Section numéro 1 de Poète maudit. Sans titre par Paul Verlaine. Enregistré pour LibriVox.org par Françoise. Les sages d'autrefois, qui valaient bien ceci, crurent, et c'est un point encore mal éclairci, lire au ciel les bonheurs ainsi que les désastres, et que chaque âme était liée à l'un des astres. On a beaucoup raillé, sans penser que souvent le rire est ridicule autant que décevant cette explication du mystère nocturne. Or, ceux-là qui sont nés sous le signe Saturne, fauve planète, chère aux nécromanciens, ont entre tous, d'après les grimoires anciens, bonne part de malheur et bonne part de bile. L'imagination, inquiète et débile, vient rendre nul en eux l'effort de la raison. Dans leurs veines, le sang, subtil comme un poison, brûlant comme une lave et rare, coule et roule, en grésillant leur triste idéal qui s'écroule. Tels les Saturniens doivent souffrir, et tels mourir, en admettant que nous soyons mortels, leur plan de vie étant dessiné ligne à ligne par la logique d'une influence maligne. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.